Bonne journée dominicale à toutes et à tous. Bonne fête des rameaux, adeptes de l'Église catholique. Et bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Le Conseil national de la communication appelle les journalistes au strict respect de la loi régissant la presse au Burundi lors de la couverture des élections prochaines. À propos de la présidente du Conseil national de la communication CNC, au terme d'un atelier de 2 jours de formation des journalistes sur la couverture des processus électoraux en intention d'une équipe de journalistes des provinces et différents médias qui s'est tenue à Gitigre. Les habitants de la colline Boukanya, commune Kabarore, dans la province de Kayanza, font savoir que les mines exploitées dans cette localité ne les avantagent à rien parce que les routes sont dans de mauvais états et qui ne sont pas aménagées par ceux qui exploitent ces mines. Vous aurez le point avec notre correspondant sur place. Et certains habitants de la colline Kaburanwa, zone Gasenyi de la commune Buganda en province de Chibitoke, se disent être préoccupés par le manque criant d'eau potable depuis 2 ans. Ils déplorent qu'ils utilisent l'eau de la rivière Kaburanwa, ce qui les rend plus vulnérables aux maladies liées aux mains sales. Bienvenue à ce journal. La mise en œuvre est assurée par Innocent Biboniman. Les journalistes en général et ceux qui couvriront le prochain processus électoral en particulier doivent exploiter le domaine de réseaux sociaux pour noyer les comptes anonymes et malveillants des réseaux sociaux pouvant désinformer la population durant ce processus. Propos de la présidente du Conseil national de la communication CNC, au terme d'un atelier de 2 jours de formation des journalistes sur la couverture des processus électoraux à l'intention d'une équipe de journalistes des provinces et différents médias qui s'est tenue à Gitega. Les participants disent avoir bénéficié des enseignements qui leur permettront de couvrir avec succès le prochain processus électoral. Les détails avec Djilani Bikita. Dans son discours de clôture de cet atelier, la présidente du Conseil national de la communication CNC, ambassadeur Espérance Ndayizeye, a indiqué que les journalistes doivent exploiter avec importance le domaine des réseaux sociaux pour étouffer et noyer les comptes malveillants qui œuvrent dans le domaine des réseaux sociaux, surtout pendant les prochaines élections. Comme vous le savez, les réseaux sociaux aussi sont un autre volet que les journalistes qui vont faire la synergie et ceux qui vont travailler en dehors de la synergie doivent concentrer leurs efforts. Au moment où il y aura beaucoup de comptes, des comptes anonymes aussi, qui vont divulguer de fausses informations ou qui vont désinformer, s'il vous plaît, exploitez au maximum les réseaux sociaux pour que votre information puisse noyer les informations des faux comptes ou de ceux qui sont malveillants. De son côté, le directeur général de la communication et des médias, Oscar Renzo Rabonayo, a demandé aux journalistes qui ont participé à cet atelier d'appliquer ce qu'ils ont appris durant les prochaines élections. Nous avons appris beaucoup de choses à travers les thèmes qui ont été présentés par nos présentateurs. Donc, profitez de ce que nous avons eu beaucoup de ces formations pour bien sûr apporter des fruits qui vont nous marquer, qui vont nous permettre bien sûr de parvenir à une élection apaisée, une élection transparente, une élection éclairée. À propos, un des participants promet de couvrir les élections prochaines avec succès vu les connaissances tirées de cet atelier. Ça a été une occasion pour nous, les journalistes nouveaux et les journalistes anciens, où certains journalistes anciens dans le métier nous ont partagé des expériences vécues sur terrain. Alors, comme nous, journalistes nouveaux, nous avons appris beaucoup de choses qui vont nous aider justement à la couverture équitable de ce processus électoral où on va donner la parole à tous les acteurs politiques. Alors, on a vu que le journaliste a le devoir de chercher des informations, les vérifier afin ou avant d'informer les auditeurs. Vous saurez que cet atelier, organisé conjointement par le ministère de la Communication, des Technologies, de l'Information et des Médias et le CNC, sous le financement de l'UNESCO, a rassemblé les journalistes venus de médias et provinces différentes de ce vendredi à ce samedi. Depuis Gitega, Jean-Yves Bigira pour la radio Isanganiro. De Gitega, rendons-nous à Chibitoke pour parler société. Certains habitants de la colline Kaburanwa, zone Gasenye de la commune Buganda, en province Chibitoke, se disent être préoccupés par la pénurie d'eau potable depuis 2 ans. Ils déplorent qu'ils utilisent l'eau de la rivière Kaburanwa, ce qui les rend plus vulnérables aux maladies liées aux mains sales. Au sein de l'administration de base, l'ont dit avoir soulevé la question, mais que rien n'a été fait, bien qu'il ne donne pas d'éclaircissement. Joseph Ngindahayo, conseiller de l'administrateur communal de Buganda, chargé des questions sociales, tranquillise que bientôt l'eau potable leur sera fournie. Le détail avec Clovis Nyunguru qui s'est rendu sur les lieux. Ces habitants se disent inquiets de la carence d'eau potable dans cette localité. Ils expliquent qu'ils font recours à l'eau de la rivière Kaburanwa, non propre à défaut d'avoir de moyens estimés à 1000 francs burundais par bidon de 20 litres pour s'en procurer à vélo. Ils rapportent qu'ils sont exposés à des maladies liées aux mains sales. Nous sommes préoccupés par la carence d'eau potable il y a 2 ans. Certains passent une nuit sans rien mettre sous la dent suite au manque d'eau. Aux autorités habilitées de résoudre cette question pour nous éviter des cas de maladies liées aux mains sales. Bigirimana Jean-Claude, l'une des autorités à la base à Kaburanwa, dit qu'il a déjà soumis cette question à son hiérarchie, mais qu'il demeure sa réponse. Vous savez que l'eau est un élément indispensable à la vie. Si nous continuons à utiliser l'eau non propre, les effets négatifs sont nombreux. Nous avons déjà soumis cette question à notre hiérarchie, mais la réponse reste toujours de nous dire d'attendre. Bien qu'il ne donne pas de précision, Joseph Ngendahayo, conseiller de l'administration communale de Buganda, chargé des questions sociales, il tranquillise ses habitants que l'administration suit de près cette question. Nous sommes au courant de cette question d'eau potable, mais nous tranquillisons les citoyens que l'administration est en train de faire le tout possible pour que cette question trouve bientôt la solution. Outre le problème de l'eau, ces habitants indiquent qu'il faut face au manque de courant électrique. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Cap sur Makamba ou le moulin du quartier Gitkwa de la commune, cette province du sud du pays, ne sont pas opérationnels depuis plus de 2 semaines pour manque d'électricité. Les usagers de ces moulins grognent qu'ils mènent une vie difficile et continuent à payer le loyer bien qu'ils ne travaillent pas et demandent que ce problème soit résolu. Le chef d'antenne de la Régie des Eaux dans la région sud informe qu'on a sélectionné la capacité du transformateur puisque celui-ci était en danger. Cela pour favoriser la population en besoin d'éclairer leur ménage et demander aux propriétaires des moulins d'attendre son remplacement, n'est-ce pas, Élisée Kuitzer. Après plus de 2 semaines, les moulins n'étant plus fonctionnels au quartier Gitwa de la commune et province Makamba, les employés et employeurs et propriétaires de ces moulins grognent qu'il manque du courant électrique et enregistrent des pertes énormes. Certains des employés avec lesquels nous sommes entretenus révèlent qu'ils sont rémunérés en fonction de leurs résultats ou de la somme d'argent gagnée et indiquent que pendant cette période où leur travail s'est arrêté, ils trouvent à peine même la ration alimentaire car ils n'ont aucune autre ressource de revenus. Et bien qu'ils ne sont pas en train de travailler, les propriétaires des maisons en location ne les comprennent pas et leur demandent le loyer dès que le mois s'achève comme convenu. Ils demandent que ce problème trouve solution pour qu'ils reprennent leur travail. Le chef d'antenne de la Régie des Eaux dans la région Sud, Désiré Manirambona, informe que le transformateur du courant électrique était en danger, d'où on a sélectionné sa capacité avant qu'il s'explose, et cela en faveur de la population ayant besoin d'éclairer leur ménage. Il demande que les propriétaires de ces moulins attendent son remplacement. De Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. De Makamba, rendons-nous à Rumonge où l'entreprise de construction et Kokogem ayant gagné le marché de réhabilitation de la route Rumonge-Wuyengiro a commencé les travaux ce mercredi. C'est après que la commune Rumonge ait accusé cette entreprise de ne pas se soucier de la pérennisation de la praticabilité de cette route. Mais le sort de l'ouvrage est que la commune Rumonge a aménagé à Mugomera où cette route était coupée pour renormaliser la circulation. Reste à déterminer selon ingénieur Fiacre Ndikumazambo, chef de chantier des détails avec Jean-Pierre Misako. Il s'agit du reprofilage de cette route en vue de préparer la mise en place de la latérite puis du compactage qui a débuté ce mercredi. Mais les caniveaux et les buses bouchés ou détruits seront débouchés et réhabilités et même d'autres aménagés là où il s'avère indispensable selon ingénieur Fiacre Ndikumazambo, chef de ce chantier au compte de l'entreprise Ecocogem ayant gagné le marché de réhabilitation de la route Rumonge-Wuyengiro. Au moment où ces travaux débutent, après ceux de la construction par la commune Rumonge d'une bise pour normaliser la circulation au niveau de Mugomere où cette route était coupée, des travaux que la commune Rumonge dit avoir initiés après une longue attente dans l'intervention de cette entreprise mais en vain, ingénieur Fiacre Ndikumazambo dit qu'on va en parler avec la commune Rumonge, affirmant que la façon dont cette buse était en train d'être aménagée est hors norme. S'agissant du retard enregistré pour le démarrage des travaux, cet ingénieur explique que c'est à ce moment où le contrat de service a été signé avec l'agence routière du Burundi. Mais certaines sources auprès de l'agence routière du Burundi indiquent que cette entreprise avait déjà eu même l'avance il y a de cela une année. Au total, 30 km sont concernés par ce projet qui sera exécuté en 8 mois dans les conditions normales selon le chef de chantier. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Je vous le disais en titre, les habitants de la commune Kabarore en province Kayanza divergent beaucoup sur l'intérêt des mines qui sont exploités dans cette commune. Ceux de la colline Boukanya font savoir que ces mines ne les avantagent en rien parce que les routes sont dans de mauvais états et qui ne sont pas aménagées par ceux qui exploitent ces mines. De l'autre côté, les ouvriers miniers à la colline disent que les mines qui sont exploitées à cette colline leur permettent de réaliser des projets de développement. Un vox pop que nous devons à notre confrère Patrick Nsengiyumva. En paix de mon, en ce qui est de l'extraction des mines, nous le bappons, il n'y a pas d'intérêt. Aucun intérêt d'ailleurs. Les gagnants, ce sont les exploitants et leurs patrons. Nagali, ahubwo ni n'igitangaro kubona ikomine yacu yarimo ibintu byo tugira kamara mugabo gasanga nta nibarabara dufi. C'est inconcevable que notre commune ait un sous-sol riche mais qu'on n'a même pas de bonnes routes. Si les routes étaient bien praticables, des touristes viendraient nous visiter aussi, pas d'intérêt pour nous. Ntacho butumari bo bufitiye akamaro nyene wo asanzwe yabukoreramwo niwe bufitiye akamaro muto muto nta kintu ki le bon peuple no gagne rien. Voilà la rémunération qu'on nous donne, la farine, nos habits sont même déchirés. Regardez mon pantalon et on travaille. D'autres là-bas, ils se déplacent dans des voitures de luxe. Ils vont même à Dubaï s'acheter des camions alors que c'est toi qui as travaillé. En cas même d'accident dans le site minier, la famille de la victime n'est pas indemnisée. J'ai commencé à travailler dans le site minier en 2016. Je gagne car je suis chef de famille et je subviens aux besoins de la famille. J'élève 5 vaches achetées avec le salaire que je perçois. J'ai même acheté des propriétés foncières à Kayanza. Les derniers jours, ici, il n'y avait pas d'école, mais voilà, aujourd'hui, on en a. On évolue bien vraiment. Il nous a apporté de l'eau potable à cette colline. Les derniers jours, on puisait de l'eau du marigot. Il est en train d'électrifier la colline qui vaut vous. On n'avait pas d'électricité. Vous voyez que c'est d'ailleurs à la frontière. Nos maris se rendaient dans la plaine de Limbo à la recherche du travail et on attendait longtemps leur retour, mais en vain. Voilà, les hommes sont de retour dans leur ménage. Ils ont été embauchés aussi dans les sites miniers. Nous demandons que les routes soient aménagées pour avoir des facilités de déplacer les malades vers les structures de santé en cas de maladie. Ce qu'il faut faire, si le gouvernement demande beaucoup de taxes aux exploitants des mines, qu'il y ait alors de la réduction et comme ça, ils auront de l'argent pour l'aménagement de nos routes. Vraiment, nous n'avons pas de routes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à Innocent Bibonimana pour sa parfaite collaboration technique. Continuez à savourer la journée dominicale et bonne fête des rameaux aux adeptes de l'Église catholique. Bonne suite de nos programmes.